sans couler de tes blessures. Marche, marche, marche à la frontière de l'enfer. Chacun de tes pas est une morsure. Ta fuite est une déchirure. Cache, cache, cache-toi de tous tes amis d'hier. Les yeux poudres.